toi, deux semaines auxquelles je ne pense qu'à toi, deux semaines auxquelles je ne veux voir que toi, deux semaines auxquelles je ne rêve que de toi, sous le charme de ta beauté, je ne cesse de penser que c'est pour moi que tu es fait, trop de temps à me rendre compte que c'est toi qu'il me fallait, avant de te connaître, je te voulais comme best friend, maintenant que je te connais, je te veux comme girlfriend, aucune fille m'a donné la même sensation que toi, dans le monde, je veux juste toi et moi, je traverserai tout ce qu'il faut, juste pour être avec toi, j'ai juste besoin de toi. Juste toi et moi, tous les jours c'est ça le rêve que je vois. Puis-je essayer d'écrire une chanson d'amour pour toi, pour expliquer les sentiments que je ressens pour toi. Faut que je te dise, à mon avis je crois c'est l'heure, pensant à la manière dont je peux gagner ton cœur. Qu'est-ce que je dois faire pour prouver que j'ai besoin de toi, pensant à cet amour que je peux avoir toi et moi. Séduisant, tu m'attires comme les aimants, brillante que le diamant. Mon amour est réel, je réaliserai tous tes rêves pour les rendre tous réels. C'est juste avec toi que j'ai envie d'être nous, pour reprendre le monde. Juste toi et moi, beau sourire, beau jeu, t'es presque si mignon que moi. Juste toi et moi, tous les jours c'est ça le rêve.